Selon les mass médias sud-coréens, la solidarité des citadins pour une société démocratique a publié le 26 janvier une déclaration contre le sophisme de la gouvernante sud-coréenne. La déclaration a dévoilé que lors d'une conférence de presse, Park Geun-hye a prétendu une certaine hypothèse de complot tout en disant que l'affaire de Choi Soon-sil est de la pure fabrication. À ce propos, la déclaration a affirmé que si Park Geun-hye veut réclamer son innocence, elle devrait accepter loyalement l'enquête spéciale et le procès de la Cour constitutionnelle au lieu de répandre des rumeurs sans fondement en se cachant derrière une presse particulière.